toujours rêvé d'être quelqu'un d'admirable. Quitte à moisir sous les ruines, je me contenterai du nécessaire. Je n'attends pas de miracle. C'est un fait, on a tous quatre visages. Mais crois-moi qu'en rentrant chez lui, le traître ne guette pas le miroir. Je ne vois rien de plus désolant, comment l'aduler. De toute façon c'est bien connu, y'a plus personne au moment d'assumer. Assommé par le bruit des portes de l'en-dessous, je devrais me tailler avant que le cri des corbeaux ne me rende fou. Y'a mille ans déjà, le pauvre invisible subissait. Ça serait plus là même si les promesses d'hier suffisaient. Guidé par des hommes malhonnêtes qui prient Lucifer. Et d'ailleurs c'est peut-être à cause de que nos prophètes finissent crucifiés. On veut tous un tas de bif à croire dans ce monde. Seule la méchanceté reste gratuite, c'est gratte dans le fond. Les bras m'en tombent dans le déni tant de braves gens sombres. Dans le zen j'ai cette odeur d'essence et je trouve que ça sent bon. Je suis bloqué devant la porte, rien que ça me casse la tête. Condamné, je pète une clope avec la flamme d'Hadès. Hein, j'ai vu le diable applaudir ou passer l'arme à gauche. Il n'attendra pas le soir d'Halloween pour frapper à ta porte. Je suis tout en bas de la côte et ça me fout trop le bat. Ne pose pas de questions, je vois pas le rapport, s'il te plaît ne me cause pas. Je déconne mais bon c'est pas de ma faute, c'est tant si je dors mal. Dès le collège on pédave la drogue, ça n'a rien de normal. J'ai pris peur, je mène ma vie dans ce gouffre, on en sort à peine. Et même si je comprends pas ce qui m'entoure, je compose avec. Faut que c'est bizarre, toutes nos causes sont délaissées. L'état nous a pris par les couilles, on bosse la tête baissée. C'est bien pour ça que je ne leur donnerai pas mon respect. Piégé dans un sale jeu, tous les visages sont cernés. Méfie-toi des acteurs, y'a pas une trace de fair play. Si ta main ne touche pas le feu, je te conseille à te rester. Y'a rien de grave, accepter la fin, quitte à nourrir des ingrats. Je l'ai fait, mais est-ce un drame? On se rappellera de rien quand la bougie s'éteindra. Ouais, ouais. Y'a rien de grave, accepter la fin, quitte à nourrir des ingrats. Je l'ai fait, mais est-ce un drame? On se rappellera de rien quand la bougie s'éteindra. Ouais, ouais.